Je suis garé correctement en 1. Oui, réponse A. Non, réponse B. En 2. Oui, réponse C. Non, réponse D.